des traditions qui nous enchaînaient, nous ont fait vibrer trop longtemps ensemble. Dans la grisaille quotidienne, avec les mots qu'on fait semblant d'entendre. Rentrer chez soi les vagues à l'âme, ne pas vouloir d'une autre vie plus libre. Parce que l'on est mari et femme, et qu'un papier nous interdit de vivre. On n'a pas su se dire à temps, il faut se quitter. Au grand poker des sentiments, on a trop bien triché. Les traditions qui nous enchaînaient nous ont forcé à refuser la chance de dire enfin de vrai je t'aime, de chanter enfin de vrais romances. Sous les reproches du silence, sous nos regards indifférents et vides, nous n'étions plus que des absences, marchant ensemble vers les temps dérivés. On n'a pas su se dire à temps, il faut se quitter. Au grand poker des sentiments, on a trop bien triché. Je vais enfin oser te dire, il faut se quitter. J'en ai assez de te mentir, je ne vais plus tricher. Les traditions qui nous enchaînaient nous ont fait vivre trop longtemps ensemble. Dans la grisaille quotidienne, avec les mots qu'on fait semblant d'entendre. Sous les reproches du silence, sous nos regards indifférents et vides, nous n'étions plus que des absences, marchant ensemble vers les temps. Ne pas vouloir.